People, you don't do me bad. di mon pas l'oublier. Laisse-moi mettre à nos amis pour le vrai quotidien. Les dansons de Benedinia, il ne faut pas l'oublier. Laisse-moi mettre à nos amis pour le vrai quotidien. La Boutique Hero, les machos. La Boutique Hero, les machos. La Boutique Hero. La Boutique Hero, des machos. Les dansons de Benedinia, il ne faut pas l'oublier. Laisse-moi mettre à nos amis.